On va parler de la Ligue GMS. On est en pleine de finale. On a commencé les séries. Beaucoup de matchs avec notre ami. On va parler avec Pierre Guy, le président de la Ligue GMS. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, ça devait pas être évident. Je vais parler avec Robin Boulian demain ou jeudi. Je sais que le match décisif est jeudi. Ça devait pas être évident. 4 matchs en 2 jours. Non, on avait. Ouais, c'est ça, mais on n'avait pas le choix. Là. Ouais. La quart de finale, c'était très serré. Et parce qu'on a augmenté les demi-finales, finales, 4 de 7 demandées par les équipes midgets. Donc, ça a mis ça très serré. C'est sûr que les ceux qui rencontraient Chicogamo fallait s'attendre à ça. Mm. C'était deux games d'Olbo. Il aurait pu être, tu sais, on revendrait le samedi, si on montait à Chicogamo, puis on aurait un double dimanche. Je pensais bien que Dolbo allait l'emporter au moins une sur deux à Chicogamo. Oui. Mais là, on va assister à un cinquième match. C'est très bon pour la Ligue. Puis de l'autre côté, Chicoutimi, Saint-Félicien, ben encore là, il y a un match ce soir, le quatrième match à Saint-Félicien, alors que Saint-Félicien mène 2-1, qui est une surprise présentement. Oui. Saint-Félicien a remporté le premier 6-5 en supplémentaire. Perdu chez eux ou assisté au match contre Chicoutimi 4-3. Et ils sont allés gagner encore à Chicoutimi 4-3. Donc, c'est tous les matchs que les visiteurs ont gagné. Ouais. On va voir si à soir, Chicoutimi va rendre pas idéal. Si Chicoutimi gagne, ben, ça va jouer demain soir. L'autre alternative, demain soir. Il y avait qu'à gagner le fameux match contre le Marcos Pop, il n'y aurait pas eu ça, hein? Exactement. Il y avait, tu sais, comme on dit, c'est toi qui étais maître de ton bateau. Ouais. Ben là, le bateau a chaviré, ça a l'air bien. Ouais. Il a perdu un bon match contre Saint-Félicien. Oui, effectivement. Donc, c'est 2 à 2. Ça va jouer le match décisif jeudi au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Parle-moi maintenant de l'autre série. C'est Chicoutimi contre le Marcos Pop de Saint-Félicien. Ben, le Marcos Pop, c'est une très belle série d'hockey. Pas de coups à l'eau, des belles mises en échec. Le pointage est toujours égal. Une équipe prend l'avance, l'autre équipe revient, l'autre équipe prend l'avance. C'est égal jusqu'à la fin. Jusqu'à présent, pas de 3 games qui sont finis par 3 parties sont terminées par un point. Et où ce soir, puis je m'attends encore d'avoir encore un autre excellent match ce soir à Saint-Félicien. Ouais. Si Saint-Félicien l'emporte, ça va être la grosse surprise des séries. Cette année, ça c'est sûr et certain. Il n'y avait pas eu. Mais je peux dire qu'ils ouais, sont 11 joueurs. Ouais. Non, mais ils sont 11 joueurs, mais ils n'ont pas. Ils jouent à 11, 12. Ils ont des bons joueurs. Ils sont surprenants. Okay. Très surprenant. OK. Hein? Donc, 11 joueurs, mais je veux dire, ils sont vraiment. Bon, ils sont solides. Pareil, on veut dire, pour jouer à 11 joueurs, là. Oui, ils vont bien, puis tu sais, ils jouent du bois, OK. Okay. Ils sont toujours dans la partie. Depuis les 5-6 dernières games de la fin de la saison, depuis le tournoi à Dolbeau où ils ont perdu en finale, Saint-Félicien, s'il avait joué de même toute l'année, il n'aurait vraiment pas fini dernier. Non, c'est sûr. Probablement pas. Puis ça fait bizarre d'y voir, hein, parce que ça fait vraiment bizarre d'y voir en tête, d'y voir 64e, 65e au classement POC. Combien de fois je les ai vus, tu sais, les autres années, ils dominaient vraiment, là. Ça faisait bizarre, vraiment. Oui, mais je pense que c'est normal. Là, les 3-4 autres années, il y avait beaucoup de 17 ans. Ouais. Là, cette année, ils sont en reconstruction, peu de 17 ans. Tu vois, la grosse équipe, c'est Jonquière. C'est Jonquière qui a plusieurs 17 ans. C'est ça, la catégorie midget. Ça devrait être 15-16 ans. Ouais. Le 17 ans devrait jouer junior. 17 ans, c'est un juvénile. Il devrait aller jouer junior. Si tu avais toutes des 15-16 ans en catégorie midget, les équipes seraient toutes égales. Ouais, là, ben là, t'as 17 ans qui sort du midget 3A, l'autre sort du juvénile, tu sais, ça fait des bons clubs, là. Donc, ils sont bourrés de talent. Au niveau junior, maintenant, c'est Robert Val contre Anne-Marie, hein? Ouais, junior, ça s'est terminé dimanche soir. Vendredi, vendredi soir, ça. La partie a lieu à Métabetchouan vendredi passé où les Sabres ont emporté 3-2 dans un excellent duel. Un but chanceux en fin de partie qui a donné la victoire aux Sabres 3-2. Et le dimanche soir, se sont repris à Alma où les Sabres ont emporté 6-3. Mais la partie était hors contrôle. Puis en plus, le but de valeur, c'est que le petit Xavier Junot, avec Saint-Étienne en deuxième période, a manqué une mise en échec, a perdu pied, va rentrer tête première dans la bande. Alors, il s'est fracturé, je pense, un an à la bras. Puis il y avait un genre de commotion cérébrale. Ça a été, c'est pas beau à voir. OK. Là, c'est, maintenant, pour la deuxième ronde, ça va être quoi? Qui contre qui? Ben, demain soir à Normandin. OK. Les Saguenayens visitent les Éperviers. Jeudi soir, c'est les Sables qui rendent visite au Marquis. OK. Puis après ça, du 7 aller à dimanche, les deux séries vont être à trois, vont avoir joué trois fois. OK. Fait que, puis c'est-tu meilleur des assistances depuis que l'on est rendu des séries? C'est-tu meilleur, là? Ouais, c'est meilleur. Mais tu sais pas, on n'a pas d'assistants de 400-500 personnes. Là. J'ai vu ton mandat, il y a beaucoup. Mais les autres, là, comme à Métabette, puis dimanche soir, à Alma, il y avait 200-225 personnes. C'est bon, tu sais. Quand tu dis que tu joues dans 100-125. OK, donc ça double, autrement dit. Oh, à peu près, ouais. Okay. Peut-être que contre les Marquis, ils vont en avoir plus aussi, là. Ouais. On devrait avoir une belle série. Les Sables, en ayant toute leur équipe, devrait être capable de rivaliser. Mm. Enfin, je m'attends pas qu'ils remportent la série, là, mais d'accord, au moins, si on a si rivalisé avec les Marquis, ben, ça va être okay. Ça va déjà être un plus. Ouais. Ben, Pierre, ça fait pas mal de tour cette semaine? Oui, c'est ça. Alors, la semaine prochaine, on pourra peut-être parler des honneurs individuels. Ouais, c'est-tu ouais, commencé, c'est, ça? Tout est sorti, là. Tout est en train de se faire imprimer. Là. OK. Cette année, on donne des plaques souvenirs. OK. Alors, quand les plaques vont être faites, on pourra peut-être commencer à en donner dans les deux catégories et tout ça. Là, on a tout en main. Bon, ben c'est beau. Fait qu'on s'en repasse cette semaine prochaine. Ah, merci, Danny. Pierre Gay, et on rappelle que cette chronique est une commandite d'Identification Sport. Pour tous vos besoins, que ce soit pour les vêtements sportifs ou les vêtements voyage, vous allez sur identificationsport.com. Pierre Gay, merci pour s'en parler mardi prochain. Merci, bye. C'est...